Le maréchal Kim Jong-un a envoyé le 24 novembre une couronne mortuaire devant le cercueil de feu Madame Lu Myon, membre du présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, députée à l'Assemblée populaire suprême et présidente du comité central du parti chondoïste Chung-woo, en signe de profonde condoléance à son décès.